Chapitre 9e. Le lendemain, Madame Murray se fit attendre pour le déjeuner. Arthur, en la saluant avec sa façon réservée, ne put s'empêcher de s'apercevoir de l'étrangeté de sa mise. Elle était tout habillée de noir. Ses joues étaient d'une pâleur extraordinaire que faisait ressortir davantage l'écharpe de crêpe noire nouée autour de ses épaules. Elle avait aplati avec soin ses tresses ondoyantes, et Arthur cherchait vainement des yeux les anneaux dorés qui encadraient ordinairement son front. Sa physionomie portait l'empreinte d'une tristesse mortelle. En la voyant rester sans vie dans la pose qu'elle avait prise en s'asseyant, on songeait à une belle statue de la douleur. Il y avait cependant un certain air de suffisance dans son maintien, qui trahissait la nature de ses sentiments cachés. Elle faisait acte d'humiliation, cela se voyait bien, mais la manière dont elle se mettait à l'œuvre respirait plutôt la vanité que l'humilité. Cela provenait du prix qu'elle attachait à l'importance de ses actions. Arthur lui connaissait ce faible depuis le moment où il l'avait entendu pour la première fois, mais il ne se doutait pas qu'elle le possédait au point de se croire capable de fléchir la volonté de son Dieu. L'aspect de la table annonçait un jeûne. À la place des plats nombreux qu'elle portait ordinairement, on ne voyait que du poisson salé. Madame Murray avait pris sur son assiette un morceau de pain sec, et encore n'en mangeait-elle pas une miette. C'était un vrai repas funèbre. Personne n'ouvrit la bouche, jusqu'au moment où Bobby, peu soucieux de cette comédie, étendit la main vers le plat de beurre qui se trouvait au centre de la table. Alors sa mère, en repoussant doucement son bras, lui dit de sa voix mélancolique « Laisse, mon enfant, on ne mange pas de beurre aujourd'hui. » « Pas de beurre ?» s'écria Bobby en ouvrant démesurément ses yeux bleus. « Mais pourquoi pas, maman ?»« Tu demandes pourquoi ?» dit sa mère. « Ne sais-tu donc pas que nous serons perdus si nous restons toujours sans eau ? On ne mange pas de beurre parce que... parce qu'il nous faut de la pluie. » Il est bien sûr que dans ce moment-là, elle en voulait au précepteur. Comment faire en effet un exposé logique du motif qui la portait à défendre qu'on mangeât du beurre à sa table tandis qu'elle se trouvait en face de ce visage impassible. Le fil du raisonnement qui devait rattacher le beurre de Bobby à la sécheresse extérieure lui faisait subitement défaut. Elle cherchait vainement ses mots, et quand elle s'aperçut que le précepteur allait lui adresser la parole, elle songea à se mettre sur la défensive avant qu'il eût trouvé le temps d'achever sa question. « Est-ce que vos voisins font acte de pénitence aussi, madame ?» demanda-t-il. « Ou voulez-vous que Tamboruna donne un nouvel exemple de la toison de Gédéon ?» Il n'y avait rien dans la manière posée et respectueuse dont il faisait cette question qui put éveiller des soupçons chez Madame Murray. Néanmoins, elle prit un air raide. « Je veux que Tamboruna devienne un lieu chrétien, monsieur, » dit-elle, « si tout le monde en voulait autant. » Mais elle ne put achever sa phrase. Un bruit épouvantable se faisait entendre dans le jardin. Elle s'élança vers la fenêtre, suivie du précepteur et de son fils, et il s'aperçut que son jardinier chinois tirait des feux d'artifice près de la véranda. Le drôle portait sous le bras un sac de pétards qu'il déchargeait l'un après l'autre. « John, vous êtes fou !» s'écria-t-elle. « Ne savez-vous pas que j'ai défendu qu'on fît fête aujourd'hui ?»« Moi, fais pas fête !» dit le chinois d'un air contrarié. « Il faut de l'eau pour mon jardin aussi, tout comme ici me l'est !» Et il fit détonner de nouveau ses pétards. « Allez-vous-en, drôle !» dit Arthur, qui oublia tout dans l'émotion que lui causait la mine piteuse de Madame Murray, et là-dessus il ferma brusquement la fenêtre. Se trouver en complicité avec son jardinier païen pour extorquer une réponse directe du ciel, voilà une découverte contre laquelle l'orgueil de femme et de chrétienne de Madame Murray devait se mettre en révolte. Toutefois, ce qui lui causait le chagrin le plus vif, c'était de savoir que le précepteur avait été témoin de son mécontentement.